femme de ma vie cette nuit. Son grand fantasme résolu. Elle a niqué mon paradis, ainsi que ses deux inconnus. Dans une époque malsaine, si malsaine que malgré moi, je ne comprends plus. Moi je l'aimais par-dessus tout. Elle m'a trahi dans cette rue sombre. Gens qui baissent, baissent surtout. En route vers la fin du monde. Ça fait toute façon bien longtemps que je ne crois plus en cette vie. J'en viens au racisme anti-blanc, tellement je hais tout ce que je suis. Les féministes nous détestent, les hétéros privilégiés, alors qu'on sait que tout ce qui nous reste, c'est l'héroïne et l'AMD. La drogue comme seul échappatoire dans un système qui m'a lâché. Si la morale opprime les noirs, moi le moral m'a déprimé. Nous vivons dans une époque malsaine, si malsaine que malgré moi, je ne comprends plus. Des proches autour de moi qui rôdaient, a toujours rôdé. La mort est ma vieille pote sympa, mais qui a pas les couilles de m'emporter. Elle préfère rôder de très près plutôt que venir taper la bise. Pourquoi pas même venir me sucer, puisque la vie me sodomise. Et le boulot, n'en parlons pas, comme tous les petits branleurs modernes. Je suis né artiste, hélas pour moi, hélas pour ceux qui me gouvernent. Je suis une tare indésirable, même mes parents me pissent dessus. Ces enculés, chaque soir à table, me rappelle que je suis au chaume du. Un musicien de 26 ballets qui voit des stars plus jeunes que lui arriver Squeezie ou Vianney. Chaque jour je crève de jalousie. Nous vivons dans une époque malsaine, si malsaine que malgré moi, je ne comprends plus. Nous vivons dans une époque malsaine. Je ne comprends plus. Je m'imagine sur une grande île où tout ne serait qu'ordre et beauté. Fuir un instant cette putain de ville et tous ces jeunes politisés. Les véganes bien trop moralistes, les antifas bien trop fascistes, les cheminots, les communistes et Maître Gims dans ma playlist. Un jour je fuirai tous ces cons au paradis ou en enfer, près de Dieu, Satan ou Macron. Un jour je quitterai la terre. Malgré moi, je ne comprends plus.